Est-ce que vous connaissez Mémé Loubard? Non. Mémé Loubard, c'est même pas, ça pourrait être ta grand-mère. Non, c'est Mamie Paula. Oui, mais Mamie Paula pourrait avoir une sœur ou de l'autre côté avoir Mémé Loubard. Non. Ça vous dit rien? C'est un jeu de mots, non? Pas du tout. Non, c'est pas un jeu de mots, c'est son nom de scène. D'accord. Ah. D'ici, de par chez nous, en Belgique. Oui. La capitale? Oh, j'en sais rien, on va découvrir tout de suite le son. Mémé Loubard, Claudine Maïk, comment est-ce que je vous appelle? Mémé ou Claudine? Comme vous voulez me faire. Comme vous voulez. J'ai des gars pour me. Ah ben ça fait plaisir d'être causé comme on cause à Charleroi. Ouais. Hein? Ah mais je ne suis pas encore morte, hein. Tout va bien. Hein. Ouais, vous êtes là, on l'entend, hein, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais, ouais, ça, ouais, va, ouais. Ça va. Au revoir. Maëva, tu seras notre traductrice officielle pour cette séquence. D'accord. Je préviens les ignares comme moi, vous n'allez rien comprendre aux deux prochaines minutes d'antenne. Ça tourne pour vous? Ça tourne, Georges. Faites quoi en ce moment? Ah ben écoute, j'ai eu ma pension, hein. Oui, mais enfin, bon... Oui, hein, j'ai eu ma pension quand même, je suis quand même un vieux machin. Bon, ça nous dit toujours pas ce qu'elle fait. Non, non. Pas du tout. Bah, on est dans le flou. Tous les gens qui parlent le belge, s'il vous plaît, décodez-moi ce prochain extrait. Il faut nier que ça dure trop longtemps, parce qu'il me dit chante tout nu, hein, me fait. Ah, elle chante toute nue? Quoi? On réécoute. Fonny, ça dure trop longtemps, parce qu'il met du chant au nu, hein, me fait. Aïe. Aïe. Ah oui. Je pense elle chante à poil. Mais non, je pense pas que c'est ça. Elle dit quoi, alors? Je chante toute nue. Mais non, parce que j'aurais la... Je sais pas. Je chante au nu. Ah, au nu. Ah, elle vient peut-être de au nu. Nous avons été chercher un traducteur de Wallon. Et qui m'a envoyé la réponse ce matin. Ça veut dire parler dans le vide. D'accord. Voilà, on était complètement à côté de la plaque. Comment du coup? Bah, ça se dit comme ça. Fonny, ça dure trop longtemps parce qu'il me dit chante au nu, hein, me fait. Aïe, je chante au nu. Ok, bah, ça veut dire que toute ma vie, moi, je chante au nu alors. Tu chantes toute nue tout le temps. Bon, et sinon, la carrière de Mémé, ça cartonne ou pas? Ça continue. Ça continue. Tour de chant. Aïe, hein. Aïe, hein. Tu me remets une petite binouze. Oh, vous avez compris, elle est chanteuse. Ah oui. Et elle va chanter. Oh yeah. Tu t'es mise toute nue. Oh yeah. Tu veux un tuc? Oh yeah. Est-ce que Maëva est gentille? Oh yeah. Ah. Ah ouais, ouais. Bon, ouais, elle va chanter, allez, on y va, musique. C'est quand vous le synthé, donc, Mémé? Non, on va la même fois. Ah ben, on va se tabouiller le musique, allez. On y va. Wouhou. Ça fait des jours, ça n'arrête ni. Un boum, ça moins un petit bout comme ça. On dit que ça ne va ni durer, que verra ton oral solia. Chaque fois qu'il traverse nos taux, on webé qui me fait jaillir, moi. Quoi? Il va laisser des heures d'asto et n'arrêtera ni de ruminer. Je ne comprends rien. On est d'accord, c'est pas un problème de réseau ou de. Non, c'est normal, même c'est pas l'enregistrement ça. Qui est mauvais, tout d'accord, est bon. Okay. Maëva, t'as compris un seul mot de ce qu'on vient d'entendre dans le chant? Bah, elle était à la soirée. Non, mais je regardais. Alors, j'étais en train de regarder sur internet pour savoir de quelle origine c'était. Enfin. Bah, c'est du wallon, hein, je pense. Du wallon, ouais, parce que c'est marqué figure Carolo est décédé. Oui, c'est pour ça que c'est dans les archives aujourd'hui. Ah. Oui, évidemment, c'est hommage, Maëva. Mais oui, Carolo, du coup, donc c'est ouais, wallon Charleroi. Mais oui, parce qu'elle a fait une chanson sur Charleroi. Ah. Je crois devenu un roi, toi le pays de Charleroi. Pourtant je t'aime comme tu es. Ouh. Et pour toujours tu resteras. C'est pas toujours juste, hein. Pays de Charleroi. C'est toi que je préfère. Bon bah t'es bien la seule. ça va. Non mais elle a fait briller Charleroi, c'est bien. Et attends, je viens de voir que donc elle s'appelle Claudine Maï et elle est originaire de Châtelet. Elle est née le 29 juin comme moi. Oh. J'ai quelque chose en commun avec Mémé Loubard. Attends, je viens de réaliser quelque chose. On en parle dans 3 minutes. Ok. Avant ça, on termine avec Claudine. Oui. Allez, avec Mémé Loubard. Loubard. C'est parti. Les bars, les belles bars, les. Oh, oui. Vas-y, ouais, bref, voilà. Madame. Bon, et sa magnifique chanson. Telle ville est chagrinée, quand ça sera le fond de Tchèm, on s'indéra serré. Tout ce qu'on a sur le terre, mais on ne l'a qu'à rester. Allez, on danse. Profitez-en, mes frères. Alors ça va aller. Oh la vache. Mais c'est une soirée à Jean-Michel, ça. Il y a Kix qui s'ambiance, qui tape des mains. Ah, là. Ah bah, on était tous bras dessus, bras dessous. On dansait, nous, dans le studio. On a fait une farandole. Non, non, c'est génial. Quand Kix parle. Quand Maëva bafouille. Ah, ça marche avec tout, cette chanson. C'est absolument génial.